qui commande? Est-ce que par hasard ce monde est fou? On est d'accord, j'en parlerai encore, mais c'est bon d'être d'accord sur tout. Quand on voit ce que l'on voit, on se dit qu'il ne faut pas mollir. Quand on sait tout ce qu'on sait, on se dit qu'il faudrait réagir. Ces gens qui dérogent, cette jeunesse qui se fiche de nous. On est d'accord, je disais hier encore précisément la même chose que vous. Quand on vit ce que l'on vit, on se dit qu'il est temps de sévir. Quand on croit tout ce qu'on croit, on n'a plus besoin de réfléchir. Dieu, quel bizarre. C'est par sens du devoir avant tout. Vous allez rire, j'allais justement dire qu'il n'y a pas d'aigreur là-dessous.